Il arrivait qu'Albe redevint ce qu'elle avait été 20 ans auparavant, une grande sœur tendre et soucieuse du bien-être matériel des plus jeunes. Cela durait parfois une fraction de seconde, l'éclair d'une réminiscence dans l'esprit de Anna, qui couvrait leur relation d'une lumière brève et violente. Il était encore tôt. La chaleur adoucie par la nuit n'était pas encore langoureuse. Le ciel pâle était vierge et serein. Elles prenaient leur petit déjeuner dans le parfum sucré des glycines, depuis déjà presque 1 heure, gagné par une lenteur exquise. Anna, à travers ses lunettes de soleil, observait sa sœur qui se livrait à ses cérémonies matinales avec sa vaisselle, sa nourriture et sa boisson. Le commerce qu'elle entretenait avec les objets était assez fascinant. Elle exécutait ses gestes d'un rythme qui paraissait artificiel, avec une précision de machine, dont elle retirait manifestement une volupté particulière. Elle était en train d'opérer le mélange de 2 confitures différentes et d'une crème. Anna souriait devant l'attention ésotérique qu'elle portait à cet acte profane. Puis Albe leva les yeux, croisa le regard masqué de Anna et eut un sourire lumineux. « Tu as assez mangé ?» demanda-t-elle. « Tu ne veux pas un peu plus de thé ?» Anna se sentit étranglée par une émotion absurde et hocha la tête. « Oui, un peu de thé, s'il te plaît. » Albe, toujours souriante, agita le thé pour la 100e fois dans la théière, referma son couvercle, la toucha d'abord du bout des doigts, puis de la paume, pour s'assurer qu'elle ne se brûlerait pas, puis attrapa la tasse de Anna, la replaça dans sa soucoupe, fit glisser le tout à côté de la théière, prit l'anse de la main droite et commença à verser le thé. Elle tenait toujours la théière à la même hauteur et Anna était sûre que si l'on avait pris la mesure de cette hauteur, à plusieurs années d'écart, on aurait obtenu le même chiffre au millimètre près. Tandis que le thé coulait, fumant et sonore, Anna se sentait étreinte par le poids de l'amour douloureux, effondrée mais incurable, qu'elle portait à Albe. Il n'y avait rien pour témoigner des bouffées de pitié, de remords, et des brusques accès de sensibilité qui agitaient Anna en présence de sa sœur. Rien pour faire circuler un sentiment paralysé, qui ne s'exprimait plus depuis des années, et qui demeurait reclus dans une chambre horrible. Anna retira ses lunettes de soleil pour essayer de sourire de manière plus authentique, mais Albe était déjà replongée dans son mélange sirupeux et ne remarqua rien. La porte, comme toujours, se refermait.